Les mineurs ont ma crise d'adolescence dans leur MP3. Alors qu'il est à des familles de 16 dans un petit détroit. Comprends-tu notre acharnement pour expliquer les choses? La musique virale overdose, on vit ce qu'on nous impose. La jeunesse à l'GNF toute l'année, incarcéré, jugé, mal inséré, drogué. On se rappelle plus de la cause, tu pourquoi on se bat? On avance les yeux fermés, faut nous sauver. Oh mon Dieu, on souffre de larmes, ça promet. Nos aînés ont dilué un parcours trop erroné. Pourtant les pièges où ils ont trébuché, on connaît. L'argent, le matériel font que le pire, on le commet. On connaît à Marseille. Y'a le côté carte postale et le côté cramé. Y'a des mecs des quartiers nord qui n'ont jamais vu le vieux port. Tellement que ça charbonne à la muerte. Au QG, les projets d'avenir sont de côté. Car chez nous l'urgence vit au jour le jour. Il reste que des principes en héritage qu'on reversera au nouveau-né. Chante Jeunesse France. La jeunesse de France, ceux qui se reconnaissent, qui traînent en bas des blocs et pensent qu'il faut pas qu'on se taise. Ceux qui mènent la danse, oui ceux qu'on déteste, à ceux qui n'ont pas peur d'aller au front, même si on les blesse. J'ai parti de cette jeunesse, en défaillance, sans complexe, où l'on pense que nos causes auront leurs conséquences. Lève ton poing si l'État t'offense, car au fond, ils assimilent jeunes de quartier à délinquance. Ils veulent pas qu'on se serre, non. Ils veulent pas qu'on les pille, non. Ils veulent pas que la France éparpille. On a les yeux ouverts, ouais. On veut s'en sortir, ouais. Mais je crois pas qu'ils veulent qu'on réussisse. Donc il faut qu'on avance tous ensemble, car les routes sont pleines d'embûches pour qu'on finisse ensemble. Tous ensemble, car on est les enfants de demain, hey. Où les rêves se font pas toujours au lendemain à Londres. Car le moindre chagrin nous fout en détresse, vie. Je sais, car la vie mène avec maladresse. Jeunes somnambules que les rêves faut avancer. Dédié aux jeunes étrangers vivant sur le sol français. Jeunesse France. Jeunesse France.